oiseaux qui a du mal à voler, les ailes un peu collées. Je suis prêt à tout, même à me nettoyer. Si je dois y rester, veuillez-vous rappeler que moi je m'appelle comme moi. Je cours après mes repas qui s'enfoncent dans la terre, la tête comme les pieds. Après un bon dîner, je regarde la télé. Si je dois y rester, veuillez-vous rappeler que moi je fais toujours comme ça. Je me suis fait de belles chaussures pour protéger mes petites pattes. Quand je cours trop, je dois arrêter. Je suis un peu fragile, mais je suis pas un oiseau facile. Si je dois y rester, veuillez-vous rappeler que moi j'ai toujours été moi. À la guerre des oiseaux, j'ai été en première ligne et j'avais beaucoup peur. Et je crois que j'avais raison, car on m'a tiré dessus. Vu que j'y suis resté, veuillez-vous rappeler que moi, bah, j'ai